c'était la zone, un putain de ghetto. Les petits avaient des gueules, qui leur offraient la poudre. Que les grands tournaient MLX5, Cayenne, Turbo. J'ai entendu dire à Camp dans The 187 toutes les 5 minutes. Que dans le barrio, l'équipe il défouraille à vue. Que les percs finissent à la morgue et rarement en garde à vue. J'ai entendu dire que pour être une superstar dans le rap game, il fallait prendre du plomb dans l'aile sans sortir comme 50 Cent. J'ai entendu dire que toi et ta clique vous pratiquez le free fight. La tête des 3 fois 5 dans une putain de cage. J'ai entendu dire je vous nique tous, je suis un deck. J'ai entendu dire trop souvent je vais revenir avec un flingue. J'ai entendu j'appelle les flics dès demain je porte plainte. J'ai entendu dire que ce bâtard a tout vu de sa fenêtre. J'ai entendu des talisports sordides sur ton crew et toi. J'ai entendu dire que ça parlait mal sur mon crew et moi. J'ai entendu des tas de trucs, même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain de vent. J'ai entendu des tas de trucs que même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain de vent. J'ai entendu trop souvent sur scène ce putain de Larsen. J'ai entendu dire que ton frère cherchait des tubs sur MSN. J'ai entendu un paquet de fois on va faire max de thunes. J'ai entendu bien souvent t'aurais dû poursuivre tes études. J'ai entendu j'arrête l'alcool, j'arrête le shit et toutes ces merdes. J'arrête de jouer les VIP, jeter le pognon par la fenêtre. J'ai entendu un paquet de trucs négatifs sur ma clique. T'as entendu dans un de mes titres ce qu'ils m'aiment pas, je les nique. J'ai entendu que t'étais un dur, ouais, surtout avec tes potes. J'ai entendu dire que t'avais pris une branlée devant ton bloc. J'ai entendu dire plus d'une fois je fais du rap, je vais faire fort. Fais en sorte de ne jamais entendre dire sale fils de pute, rends-moi la thune. Rends-moi la thune. J'ai entendu des tas de trucs, même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain de vent. J'ai entendu des tas de trucs, même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain. J'ai entendu des tas de trucs, même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain de vent. J'ai entendu des tas de trucs que même drogués t'y crois pas. J'attends encore de voir, devoir pour y croire. J'ai entendu ces fils de pute dire je vais faire ceci cela. Comme de l'heure de passer aux actes, il reste juste ce putain de vent.